au nom des neuves atrocités, nous aurons des héros à citer et des rubans, des médailles pour justifier les champs de bataille. Au nom de notre témérité, nous aurons des discours à réciter et des sermons et des honneurs pour justifier tous les chants d'horreur. Au nom des nouvelles capacités, nous ferons bientôt crépiter nos nouvelles armes à mitraille pour éparpiller tripes et entrailles. Au nom de notre efficacité, nous devrons de notre avantage profiter et partir vaille que vaille sur de nouveaux terrains de bataille pour relancer notre activité. Nous imposerons notre autorité, nous nous montrerons de taille pour triompher partout où qu'on aille. Au nom de notre modernité, des belles choses dont nous avons hérité, nous imposerons nos valeurs, nous nous poserons en voleurs. Au nom de notre supériorité, nous vous dirons ce qu'est l'humanité et l'on vous jettera des bombes. Cette mission, elle nous incombe. Au nom de nos grandes qualités, nous saurons faire preuve de charité. On implantera nos industries pour développer votre pays.